Et voilà, nous sommes en direct. You're listening to KFAI, Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis and 106.7 in St. Paul. Radio Without Boundaries, and the program you're listening is Bonjour Minnesota. Bonjour, vous écoutez Radio Communautaire KFAI à 90.3 FM, Minneapolis et 106.7 à St. Paul. Radio Sans Frontières, et le programme que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Et si vous ne pouvez pas nous écouter maintenant, vous pouvez toujours nous écouter plus tard sur kfai.org. Voilà, so, ce soir, nous avons des invités, des volontaires, beaucoup de choses. Et donc, nous avons Monsieur le Consul Général du Canada, de Minneapolis. Bonsoir, Monsieur le Consul. Bonsoir, merci de m'avoir invité ce soir. C'est un plaisir d'être ici parmi mes amis francophiles. Et nous avons donc nos amis Adrien et Romain qui sont aussi là pour nous aider, pour Bonsoir. Poser des questions. Bonsoir. Et votre hôte ce soir, c'est Frédéric, donc c'est moi. Donc on va pouvoir parler Canada, on va pouvoir parler Québec. Musique, culture, politique? Non, pas politique. Ouais, on peut parler de n'importe quoi. Ouais, de tout et n'importe quoi. On peut aussi répondre sur tout et n'importe quoi. Je vais essayer. OK. So, yeah, we'll talk about culture and arts and politics and difference in between Quebec and the rest of Canada. And Canada and Minnesota, too. Because we want to hear that. Ideal. All right. So, what about you? You start by introducing yourself and the consulate. Parfait. Merci. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir pour moi d'avoir l'opportunité de pratiquer mon français. Je suis anglophone. Je suis né au Canada, à une petite ville qui s'appelle Deep River. Ma femme est francophone, alors chez nous, nous parlons tous les deux, anglais et français. Moi, je parle anglais avec mes enfants et ma femme, Lise, parle français avec les enfants. Je suis arrivé ici à Minneapolis il y a un peu plus de deux ans, en ou de l'année passée. Alors, ça fait un an et plus que je suis ici. Je suis diplomate de carrière. Minneapolis représente mon cinquième affectation internationale. Mm-hmm. J'ai fait une carrière très dure, très, très dure. J'ai commencé avec Rome. Après ça, c'était Ottawa pendant deux ans, puis Barcelone, puis Rome encore. Puis le Pays-Bas. J'ai du mal à croire que Rome est très, très dur comme affectation. Ça, c'est, disons, le terme officiel. Ça, c'est, okay. Ça, c'est la langue officielle. Il sait ce qu'il faut dire quand les gens me posent la question. Parce que sinon, ça va être dur. Alors, c'est mon cinquième affectation et c'est une période très importante, très intéressante au niveau de la politique, au niveau commercial, au niveau des relations entre le Canada et les États-Unis, au niveau de la relation entre le Canada et le Minnesota. Et au consulat, je représente pas seulement le Canada au Minnesota, sinon aussi au Dakota, nord et sud, en Iowa et en Nebraska. Alors, okay. Nous sommes le seul consul général au Upper Midwest, disons. Okay. Et nous sommes 18 personnes. Nous occupons des relations commerciales, politiques, affaires publiques et consulaires pour aider les Canadiens qui se trouvent dans une position, disons, une situation particulière. Ouais. Quand je suis arrivé dans le Minnesota, je me suis très rapidement aperçu que le consulat de France étant à Chicago, ouais. Il fallait tout faire par correspondance. Et quand j'ai eu ma citoyenneté américaine en 2006, je l'ai eu au même temps qu'un de mes collègues, ouais. Qui est de Nova Scotia. Ah, OK. Et donc, j'étais un peu jaloux parce que lui, il avait un consulat à Minneapolis. Il n'était pas obligé d'aller à Chicago pour aller faire des cartes d'identité ou des proxies. Tant mieux pour nous. Ah, non, c'est très, très bien. C'est une relation très importante pour nous, cette relation ici. Et nous sommes pas seulement ici depuis 47 ans, mais nous sommes en train d'amplifier notre présence ici parce que c'est une relation qui fonctionne très bien pour nous et nous sommes super fiers de notre travail ici. Alors, parlez-nous un petit peu, parce que bon, on a parlé un peu du consulat et de l'aspect service pour les Canadiens. Parlez-nous un petit peu de vos relations avec le Minnesota. Enfin, d'après ce que j'ai compris, j'ai rencontré une fois un groupe de l'Alliance française, une personne qui faisait partie de l'équipe, justement, en termes commercial, en essayant de booster, justement, les aspects commerciaux entre le Canada et le Minnesota. J'ai l'impression qu'il y a un aspect économique qui est très important. Oui, disons que l'aspect commercial, c'est, disons, la base de ce qu'on fait ici. Parce que le Canada est le partenaire plus important pour le Minnesota en termes d'exportation. Ah. La relation entre le Canada et les États-Unis, c'est super important. Le Canada est le plus grand client des États-Unis et achète plus aux États-Unis que l'ensemble des autres pays tous ensemble, y compris la Chine, y compris tous les autres pays. Alors, ça veut dire que pour nous, c'est notre rôle de souligner l'importance de cette relation. D'être parce que présent. Souvent, c'est considéré comme « Oh bon, je ne savais pas que le Canada était si important ». Et ce n'est pas seulement le commerce, parce que souvent, on tombe dans cette narrative de « bon, c'est important au niveau commercial ». Mais aussi, il y a 400 000 personnes qui traversent la frontière quotidiennement. Wow. Alors, ça c'est quelque chose qui est très important pour nous au niveau touristique, au niveau culturel, au niveau de la musique, au niveau des familles. Il y a les familles, surtout ici à Minnesota, qui ont « Oh, j'ai un cousin, j'ai ma mère, j'ai mon père qui est venu de quelque part en Ontario ou en Manitoba. » Alors, pour nous, c'est une relation qu'il faut se rappeler les gens. Okay. Que nous sommes là, que nous sommes ici. Et surtout quand il y a les relations à propos de l'ALENA, NAFTA, souvent les gens pensent « Oh ben, mais qu'est-ce qui se passe avec ça ?» Bon, il faut il y a les grands traités et puis il y a les day-to-day. Qui fonctionnent très bien et qui sont importants, qui est une base et qui nourrissent une relation très importante. Ok. On va écouter une chanson rapidement. Donc, une chanson que vous avez choisie qui s'appelle Jolie Louise de Daniel Lanois. Ma femme va me tuer parce que je crois qu'elle n'aime pas trop cette chanson, mais c'est une de ma favorites. Okay. J'espère que votre femme n'écoute pas ou sinon un peu trop. Elle écoute trop. Elle écoute toujours. La chanson ne dure que 2 minutes 41. Donc, OK, parfait. on peut démarrer le chrono. Après ça, on va faire écouter. On a joué cette chanson. Pendant l'été, durant Canada Day, l'antenne nationale du Canada, pour que les gens soient un peu plus familiers avec ça. Parce que en tant que Parisien, je ne suis, suis pas très familier avec le... Mais il ne faut pas me demander de chanter avec la chanson. Non. Les professionnels. Non. On fait de l'information, on essaye d'éduquer les gens, mais on ne fait pas karaoké. Pas encore. Ah, OK, pas encore. Il n'est jamais trop tard pour commencer. C'est vrai. C'est mais jamais moi, trop tard. Quand j'ai débuté, on m'a dit non, faut mieux pas chanter ou alors coupe le micro. Donc voilà. Donc on va écouter Jolie Louise de Daniel Lanois qui a beaucoup collaboré avec notamment avec U2, plus récemment avec Neil Young dans The Noise et l'antenne nationale du Canada au Canada. Merci. Ma jolie, how do you do? Mon nom est Jean-Guy Thibault Leroux. I come from east of Gatineau. My name is Jean-Guy, ma jolie. J'ai une maison à La Fontaine, where we can live if you marry me. Une belle maison à La Fontaine, where we will live, you and me. Oh, Louise. Ma jolie Louise, les matins au soleil. I will work till work is done. Tous les matins au soleil. I did work till work is done. And one day the foreman said, Jean-Guy, we must let you go. Et puis mon nom est pas bon at the mill anymore. Oh, Louise, I'm losing my head, I'm losing my head. My kids are small, 4 and 3. Et la bouteille, she's mon ami. I drink the rum till I can't see. It hides the shame Louise does not see. The carousel turns in my head, and I can't hide. Oh, no, no, no, no. And the rage turned in my head. And Louise, I struck her down, down on the ground. I'm losing my mind, I'm losing my mind. En septembre 63, kids are gone. So is Louise. On patio, did it go near la ville de Toronto. Now my tears, they roll down tous les jours. And I remember the days and the promises that we made. Oh, oh Louise, ma jolie Louise, ma jolie Louise. Est-ce que je peux m'asseoir encore? Oui, oui, oui, vous pouvez rester assis, c'est bien, c'est bien. Donc voilà, on est revenu après avoir écouté Daniel Lanois et puis l'anthème, l'hymne national. Romain m'a dit que j'avais dit l'anthème en français. So, just real briefly, the translation of what was talked about was really about, in English, was really about the relationship between Canada and the US. And besides the big treaties, there's also the day-to-day relationships, and not only about commercial, but also about art, culture, and everything. So, combien y a-t-il de Canadiens dans les dans votre circonscription ou dans les Twin Cities pour nos auditeurs? Vous savez que nous n'avons jamais fait, disons, une compte parce qu'il y a tant de gens qui sont ici qui font pas partie de notre qui ne s'inscrivent pas. Oui, qui s'inscrivent pas dans une liste. Mais je dirais que les relations à 6 degrees of separation, il y a toutes sortes de contacts qui arrivent. Il y a toujours un contact avec le Canada, où soit mon frère, soit mon oncle, soit ma cousine qui habite de l'autre côté de la frontière. Et je me rappelle, je suis allé rencontrer une des gens de congrès et il m'a raconté une histoire super. Il a dit que il m'a demandé si j'avais vu le film Fargo. Et je dis ouais, bien sûr. Je me dis ouais, mais est-ce que vous savez savoir que le shérif n'était pas Marge. C'était un gars qui était Ted Nolan. Il était canadien et il était le shérif de cette ville dans les années, la vraie histoire qui s'est passée à Fargo. Alors, il m'a expliqué que, bon, il y a une connexion avec Nolan, qui est le représentant congressionnel de cette circonscription. Okay. Et c'était son oncle qui était le shérif à l'époque. Okay. À l'époque de Fargo. Toujours, à l'époque de l'histoire. Il y a toujours une connexion entre le Canada et le Minnesota, soit au niveau culturel, soit au niveau de sport. Et je n'ai pas encore parlé de hockey, qui est la connexion la plus fameuse entre l'état de hockey et la nation de hockey. Malheureusement, je dois avouer aux auditeurs et à vous-même que je n'ai pas encore vu Fargo en anglais. Oh. Quand Fargo est sorti, je l'ai vu en français. Oui. Donc, ils avaient un accent, mais... je l'ai pas encore vu. Je l'ai pas encore vu en anglais. Donc, il faut que je me rattrape là pour voir un peu l'accent du Nord. J'avais un collègue qui était du côté de Duluth et qui avait un peu l'accent du Nord comme ça. Donc, n'arrêtait pas de nous dire, oh, ils en mettent une couche. Ils en rajoutent un peu quand même. Mais bon, il faut que un de ces jours, il faut que je le regarde. Sinon, en termes de culture, alors est-ce que à travers le consulat, est-ce que vous sentez une différence entre la culture française ou québécoise et le reste de... Est-ce qu'il y a une grosse division entre... Ce qu'on a l'impression un petit peu, c'est qu'il y a quand même une grosse division entre l'anglais et le français, en termes de géographie à travers Québec, mais aussi en termes de... En termes d'éducation, en termes de culture, de télévision, de films. Disons que, Frédéric, moi, je vois que le Canada représente la diversité. Alors, le fait qu'il y a une différence au Québec, ça veut pas dire que le reste du Canada, c'est la même. Les gens de Colombie-Britannique sont les mêmes, de l'Alberta sont les mêmes, de Terre-Neuve ou Nouveau-Brunswick. Ça veut dire que nous avons beaucoup de respect pour le Québec. Le Canada est fondé par deux nations, les Anglais et les Français. Et nous avons maintenu cet respect pour les deux peuples. Nous sommes un pays bilingue, nous sommes un pays qui ont deux langues officielles. Comme diplomate du Canada, il faut que je parle tous les deux. Il faut que notre consulat général offre les services en anglais, en français. Alors, nous avons maintenu cet respect pour les deux langues, mais nous sommes en train de bâtir une Canada accueillant chacun à sa place. Une Canada où chacun peut s'épanouir et réaliser ça pleinement. Nous célébrons la diversité du Canada. Et alors, moi, je préfère parler de respect pour la diversité au lieu de parler des différences entre, disons, la culture québécoise, la culture albertaine, c'est la diversité qui est notre force. Cool. J'espère. mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas statique. C'est quelque chose qui change, qui est dynamique, qui a besoin d'être nourri et fourni et maintenir. Parce que ce n'est pas quelque chose... nous sommes arrivés, c'est la diversité, c'est la tolérance. Non, c'est quelque chose qu'on doit bâtir jour après jour. Comme une relation, comme un mariage. Exactement, exactement. Je suis séparé, mais bon, c'est une autre histoire. Ouais. Et après vos voyages donc, à l'international et votre carrière, comment voyez-vous le multiculturalisme canadien qui est justement particulier? Quelle est votre approche là-dessus? Quelle est votre vision pour le futur? Disons que c'est une des choses pour laquelle je suis super fier d'être Canadien. Je suis super fier parce que moi, je sais que mes parents sont venus du Pakistan au Canada. Et moi, je suis fils d'un immigrant au Canada. Mais le Canada m'a permis d'avoir une éducation super bonne. Je suis allé à l'université, puis j'ai fait mon maîtrise au Québec, à Montréal, à McGill. je suis devenu diplomate, je suis représentant du Canada, je représente le gouvernement du Canada à l'extérieur. Alors, tout ça est très possible dans un pays qui s'appelle Canada, qui m'a permis d'être... Et je ne veux pas critiquer les autres pays. Ce n'est pas, mon rôle comme diplomate de faire les comparaisons négatives. Mais je vois, pendant que j'étais en Europe, je vois, disons, un traitement différent. Je vois que les opportunités, les possibilités qui existent pour un immigrant ailleurs ne sont pas si ouvertes qu'au Canada. Et c'est une des choses... pour laquelle je suis super fier d'être Canada. Je mets mon drapeau chaque matin, j'arrive sur place, mes enfants, mon enfant Nico, il est super fier d'être Canada. Il monte toujours une hoodie Roots avec son drapeau à côté et il montre le Canada, il représente le Canada. Et c'est pour ça que, oui, le multiculturalisme, c'était la vision de Pierre Trudeau dans les années 60-70, et maintenant c'est son fils Justin Trudeau qui est devenu premier ministre, et il profite de la vision de son père Pierre. Merci. Mm-hmm. Okay. Well, on va écouter des messages. We're going to listen to some messages and then we're going to listen to some more music. Line up. So I was explaining that someone contacted us on bonjourminnesota@gmail.com. Okay. So don't hesitate to contact us if you have questions or anything. But that person is Claude Vallière, and he's an artist from Quebec. And he heard about us through a Francophile agency and website and said, like, hey, we do exist. Yeah. And he said, like, yeah, would you be interested in playing my music? And of course we are, after listening to it. And so we're going to listen to three songs from Claude Vallière. One is called Envolé. The other one is Dans le décor. Et Combien d'enfants s'ennuient. So we're going to listen to some quick messages and then some more music. And we'll come back to our guests to ask more questions. Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund. Announcing AMPERS.org, featuring music, arts, and cultural stories, including many produced by this radio station. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. Usted necesita de nosotros y nosotros necesitamos de usted. Sea un voluntario aquí en la radio KFI. Visite el enlace kfi.org/volunteer. Regístrese para la orientación de voluntarios que pasa en el primero jueves de cada mes a las 6:30 de la noche y encuentre tu puesto en la radio hoy. Support for KFAI comes from the Wienery, continuing a West Bank tradition of providing sustenance through hot dogs. The Wienery offers Vienna beef, brats, Italian sausage, and veggie dogs served in more than a dozen combinations at 414 Cedar Avenue in Minneapolis. More information at wienery.com. Et voilà, on est revenu. Alors, on a un petit problème technique avec la musique. Vous avez peut-être entendu. Maybe you've heard. We had a small technical issue that was kind of blank. So we're going to chat a little bit more with our guest about politics in Canada and culture and maybe there's one like topic that you guys can talk about while I'm trying to fix that. Like, let's talk about Céline Dion. And we can have a big topic about that. So sorte de comparatif Céline Dion rock voisine. Oh, Céline Dion rock voisine. Oui, oui, oui. And Julie, non, pas Julie Zanatti, Lara Fabian aussi. Ah, mais je crois que Lara Fabian était canadienne, mais seulement d'adoption. Oui. Tout comme Mylène Farmer, je crois. Si vous me dites, je dois vous dire que je ne suis pas très préparé pour parler de Céline Dion. Ceci dit, pendant la pause, on a parlé d'un sujet qui est très intéressant, c'est l'immigration française vers le Québec. C'est un thème que je trouve super intéressant, parce que maintenant, à Montréal surtout, il y a une grande immigration des jeunes Français qui sont venus pour l'immigration, pour trouver travail. Et ils ont créé, disons, un autre aspect d'une ville très cosmopolitaine qui ajoute une autre valeur. J'ai parlé à une de mes amies qui habite à Montréal. Il m'a dit que maintenant, au plateau, qui est le quartier cool à Montréal, c'est plein des Françaises qui ont trouvé une nouvelle vie au Canada. Et est-ce que c'est pour ça que le quartier est cool, justement? Je dirais oui, je dirais bon, mais autrefois, vous me demandez des commentaires éditoriels, je ne sais pas à moi de dire ça, mais je dirais oui, ça ajoute quelque chose. Et pendant les élections, les récentes élections en France, il y avait une queue énorme des Français au Canada qui voulaient voter. Il y avait, disons, une queue de 2-3 ans qui représente, disons, encore un autre exemple de la diversité canadienne et les gens de l'Europe, cette fois, de la France, qui ont trouvé une vie au Canada. Mais c'est vrai que le Québec attire énormément les Français. C'est l'Amérique. En fait, c'est la France en Amérique, en quelque sorte. L'Amérique d'où? Oui. Et c'est vrai que ça fait rêver énormément d'étudiants français, etc., pouvoir, pas nécessairement émigrer pour toujours au Canada, mais au moins y aller quelques années pour soit finir des études, pour des stages, etc. Et d'ailleurs, je me souviens, à une époque, j'y pensais moi-même, à l'époque de ma maîtrise, donc ça remonte quand même à plusieurs années. Oui, c'était hier. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et vivais. Voilà, merci, j'ai perdu le fil de mes pensées. Non, j'étais allé à une réunion organisée par dans ma ville, à Orléans, organisée par l'ambassade du Canada à Paris, qui faisait des tournées en France pour expliquer aux gens qui souhaitaient émigrer au Canada quelles étaient les étapes, les exigences, etc. Et c'était à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais un système de points. Si vous avez fait tant d'études, vous avez tant de points. Si vous avez Vous parlez une des deux langues officielles, anglais-français, telle compétence, etc. Si nous cherchions, disons, les cantons ou les fabricants, parce que nous faisons un sondage de nos besoins, quels sont les besoins du Canada au niveau de main-d'œuvre, et comme ça, nous offrons des points pour les gens. C'est la même chose ici. Et nous avons aussi un système pour attirer les étudiants, parce que nous aimons aussi attirer les étudiants. Il y a une période où les gens peuvent arriver, étudier et travailler pendant cette période d'études. Disons les Français, mais moi, mon dernière affectation était aux Pays-Bas, et le moment qu'on ouvrait cet concours, c'était déjà fini, disons, un jour après, c'était tout plein, c'était complet. Alors, ça veut dire que, oui, il y a encore un intérêt assez grand, assez fort pour les gens qui voulaient soit étudier, soit vivre, soit explorer le Canada. Et ça, c'est quelque chose que nous aimons beaucoup et nous promouvons. Ça a l'air très stratégique, en effet. Comme stratégie d'immigration, je dis toujours que nous avons une facilité pour l'immigration parce que nous avons trois océans autour de nous, l'Atlantique, le Pacifique et l'Arctique, une qui est très froide. Alors, ça aide à limiter l'immigration. Nous c'est l'immigration des ours blancs, polaires. Oui, les ours polaires. Ouais, et des pingouins. On a moins de points pour les ours. Il y a un quota. Oui, on a un quota pour les ours. Mais ça veut dire que nous avons cette possibilité de faire limiter et faire évaluer les gens avec ce système. Nous n'avons pas les mêmes, disons, défis que, par exemple, la France ou l'Espagne ou l'Italie, où les gens arrivent et il faut réagir. Alors, nous avons cette possibilité et nous profitons de ça. Quel est votre conseil pour des francophones ou des personnes qui écoutent en podcast quels sont vos conseils pour être bien informés sur ces critères? Disons que ça, c'est un thème très important pour nous parce qu'il y a les gens qui arrivent, disons, d'une façon irrégulière. Et nous avons un système très bien établi. Ce n'est pas que quelqu'un peut arriver n'importe où et dire « Bon, mais j'aimerais être Canadien. » Non, nous avons un système, comme vous avez dit, basé sur les points. Pour les réfugiés, il y a un système d'évaluation. Les gens peuvent arriver. Mais si quelqu'un arrive sans l'approbation, sans un visa, sans un permis, cette personne va être arrêtée. Cette personne va être mise dans un centre de détention et son cas sera évalué. Et si la personne est justifiée, oui, il y a la possibilité. Mais sinon, la personne va être déportée vers son pays. Nous avons un système avec la police. Et il faut que les gens comprennent que les gens ne peuvent pas arriver seulement sur la frontière et dire « Bon, mais je vais être ici ou je suis réfugié ou quoi que ce soit. » Il faut que le cas est justifié et peut être prouvé devant une cour ou devant un juge. Alors, ça se prépare. Mais ça, c'est un côté. Mais en même temps, nous voulons dire que nous sommes encore un pays ouvert, respectueux. Nous avons un système, mais il faut respecter le système en même temps. Il faut respecter le fait que nous avons un système de pointage, nous avons un système de réunification familiale. Alors, ce sont les points. Nous avons accueilli à peu près 40 000 réfugiés syriens l'année passée. Nous avons une but encore plus élevée ces années-ci. Alors, mais c'est quelque chose qu'on met beaucoup d'accent, beaucoup d'attention sur, parce que c'est encore un défi. Mais ça fait partie de notre histoire et ça continue à être partie de notre futur, de notre avenir. Fantastic. Well, I think I may have the music fixed. Oh, I was worried you were going to ask me to sing because that. No. The end of the show, I think. No, we didn't clear it before. We didn't clear it before with your wife. Yeah, so exactly. We wanted to make sure that you would be comfortable with whatever we ask you to do. Absolutely. So if singing, was not comfortable or dancing, I mean, it's not a very visual thing, but I think Romain had a couple of ones lined up that he was going to offer in terms of songs. Is that not correct? Yeah, but I have to warm up. Oh, right. Of course. Bien sûr. But of course. He hasn't drank enough yet. That comes the second half. Surtout, quelqu'un avec une voix de ma qualité doit évidemment l'échauffer. Johnny Holiday. Oui, à peu près. Oui. il me prend souvent comme exemple. Ouais. OK. Bon, on va écouter un peu plus de messages et de la musique. Donc, toujours Claude Vallière. Et on reviendra après ça. Okay. Je n'étais pas volage, j'étais juste envolé. Je n'étais plus sauvage, j'étais juste sauvé. J'espérais un rivage et elle est arrivée. Ses promesses qui soulagent m'ont saoulé. Je n'étais plus menteur, j'étais juste aimanté. Et mon cœur cavaleur par l'amour avalé. Ses doigts alors comme des rondeurs sur mon corps érodé. Ma parole d'honneur, j'ai tout donné. Support for KFAI comes from the Electric Fetus, your local record store for over 48 years. Now paying cash for used records in excellent condition. The Electric Fetus, 4th Avenue South at Franklin, or at efetus.com. You need us, and we need you. Take the first step in becoming a KFAI volunteer by registering at kfai.org/volunteer. Sign up for a new volunteer orientation hosted on the first Thursday of every month at 6:30 p.m. and find your on or off-air role today. Mm-hmm. comme un cheval aveugle qui s'enfuit, mon pick-up déchirait la nuit. Je chantais tout bas pour chasser l'ennui, pour me tenir compagnie. Dehors, dans l'automne sans couleur, les néons lançaient des lueurs. Hôtel, motel, resto 24 heures. Pour l'instant, ça faisait mon bonheur. Des fois, j'ai besoin d'être ailleurs. La serveuse m'a demandé ce qui me ferait plaisir. Son décolleté m'a dit bonjour. Je vais prendre une aventure pour sortir avec un extra peine d'amour. Ensuite, qu'est-ce que tu voudrais boire? La mer entière, si tu t'y baignes, a dit, je pense que je fermerai pas trop tard ce soir. Si t'es encore là, je t'emmène. Je connais un coin tranquille ailleurs. Y'a parfois dans le cœur d'un homme des paroles qui résonnent. Toi et deux à espérer mieux. Ni Saint-Esprit, ni Sainte, ni touche. J'ai murmuré, je suis vieux. Elle m'a dit, sérieux? J'ai offert mes yeux à sa bouche. J'ai jamais menti des caresses, comme un petit chien au bout d'une laisse. Alors on a sauté dans le train de la nuit, comme deux vagabonds sans adresse. Dans ses bras, j'étais ailleurs. Parfum d'été sous sa jupe, comme une odeur d'après la pluie. Parfois le bonheur adoucit la chute des anges déchus qui s'ennuient. C'est pas une femme, c'est un act of God. Un ouragan, une forte drogue. Je suis revenu tant de soir m'étendre sur son cœur. Au creux de ma poitrine, s'apaisait le moteur. Et cette envie d'être ailleurs. Y a parfois dans le cœur d'un homme des paroles qui résonnent comme un écho. Même les soirs où je me pardonne, juste avant que je m'endorme, y a des mauvais souvenirs. Oh, y a des mauvais souvenirs. Qui me font la peau. J'ai passé des mois entre ses hanches. Est-ce que ça comptait dans balance? Elle a joué dans mes cicatrices. Pas de danger que ça guérisse. Il y avait un mot sur le comptoir. Je pense que sa coupe était bien pleine. Ça disait, mon beau, faut pas te faire de faux espoirs. J'ai peur de me noyer dans ta peine. Ah, elle avait sacré le camp ailleurs. J'ai même pas vu venir la fin de l'histoire. On prévoit pas la fin du monde. Alors j'ai noyé toutes mes idées noires dans quelques verres de blonde. J'ai loadé la boîte du pick-up de toutes mes peines d'amour. Après, je suis allé domper le voyage dans Garnotte. J'en voulais plus dans ma cour. Oh, y'a quelque chose qui m'appelait ailleurs. D'étouffer les remords. de me perdre dans le décor. Maintenant au milieu de nulle part, à mille lieues de son cœur, souvent je fais semblant que je m'égare, seulement pour fuir le malheur. Mais à une heure de Montréal, je vois nos amours boréales qui dansent au loin doucement dans le ciel, comme des fantômes d'aquarelle. Ah, elle me poursuit même ailleurs. Il y a parfois dans le cœur d'un homme des paroles qui résonnent comme un écho. Et les soirs où je me pardonne, juste avant que je m'endorme, il y a des mauvais souvenirs. Oh, il y a des mauvais souvenirs. Pas donner la pénitence, allez où? Quand il fait l'imbécile, c'est qu'il a le cœur gros. Ce matin en français, son esprit s'est égaré entre ses maisons plurielles et son chagrin singulier. Combien d'enfants s'ennuient à l'école? Lian est encore réfugié dans ses silences. Elle a ses yeux d'exil et je sais bien à quoi elle pense. Hier en géographie, son cœur a immigré vers son autre pays qui sent la fleur d'oranger. Combien d'enfants s'ennuient à l'école aujourd'hui? Petit cœur, petits oiseaux perdus dans vos ailleurs, vous ne m'écoutez plus. Sur les ailes d'un souvenir, au dos d'un gros souci, vous suivez des chemins qui vous mènent loin d'ici. Combien d'enfants s'ennuient à l'école aujourd'hui? C'est la fin du mois et j'ai perdu Mathieu. C'est dur pour lui de suivre quand il a le ventre creux. Chaque jour en mathématiques, je le vois calculer les sous qui manquent à sa mère pour le marché. Combien d'enfants s'ennuient à l'école aujourd'hui? Petit cœur, petits oiseaux perdu dans vos ailleurs, vous ne m'écoutez plus. Sur les ailes de souvenir, suivez des chemins qui vous mènent loin d'ici. Combien d'enfants s'ennuient à l'école? Combien d'enfants s'ennuient à l'école aujourd'hui? Et voilà, on est revenu avec notre invité, Monsieur le Consul Général du Canada, de Minneapolis et de Upper Midwest. Mm-hmm. So we talked a little bit about immigration before, before the music, and we talked about it in French. And Peter, and a listener, kindly called us and said, "Hey, I'm interested in knowing more about immigration to Canada, and you know, can you guys talk about it in English?" And we'll be more than happy to. So, sure. Well, how much time do you have? Because this is a thematic which can take a long time. Let's say. What the processes are to, you know, to just like if you're American and you want to go to Canada or Quebec or through schooling or through work. Right. So, Frederick, let's start from first principles by saying that Canada is a country that is founded on the principle of immigration, and we have an immigration policy which invites individuals to apply for citizenship to our country. Now, there are a number of different categories that we have. We have a refugee program where we work with groups like the United Nations to take in those that are most in need, and the most recent example would be the Syrian refugee program. We also have a family reunification program where individuals who have immigrated to Canada can apply to have their family, their direct family, brothers, sisters, mothers, coming over. We have a business immigration program which attracts people who establish and invest in the country to set up businesses. And on top of that, we have, you know, your what will be a general immigration system, which is based on a point system, so that we look at individuals who have a contribution which is needed in Canada, whether it's a skill or a language set or an education set, and these people can apply through what are considered normal chains. One of the things that we have seen over the last little while is a little bit of what we call irregular immigration, where people may have received poor information that Canada will somehow receive anyone who passes the border from the United States into Canada. What we want to do is ensure that, yes, we are a country that is open and tolerant and wants to receive legitimate refugees, but there is a process, there is a procedure, and people who arrive in an irregular fashion are arrested, and their cases are reviewed before a judge, before a tribunal, and if they fit the criteria, they are allowed in the country, but if they are not, they are sent back to their country of origin. And in this case, I do believe that it's the same process than in the US. People are in detention. Oh, that's right. Most of the time. Yeah, that's right. Which is not necessarily the most pleasant thing. I'm not sure of the exact situation, but the idea is that yes, they are arrested and they are processed and their cases are reviewed before a judge, and if they are deemed eligible, they are granted asylum. But if they are not, they are sent back to their country of origin. All right. Just a quick thing before we talk about hockey, like the 2 minutes of the 9 o'clock where we'll have to give the announcement. What song did you want to hear from Stromae? Stromae, you know, I think the song that we listen to most often in the car on road trips in Europe was Alors on danse. Okay. All right. So, best one to not fall asleep. Yeah, yeah, that's a good one. Yeah. Exactly. That's the one we turn up loud when I'm drifting. That's a good one. So we're going to listen to this one real quick, and then we'll come back to a little bit more Canadian information, especially through hockey. alors on dort. Alors on dort. Alors on dort. Qui dit étude dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on dort. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela zigue ou les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. La, la. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Eh ben y'en a encore. Eh ben y'en a encore. Hi, it is now 9:02. You're listening to Fresh Air Community Radio KFAI 90.3 FM in Minneapolis and 106.7 in St. Paul, Radio Without Boundary. And the program you're listening is Bonjour Minnesota. You can also stream us on kfai.org. Vous écoutez KFAI, Community Fresh Air. À 90.3 FM sur Minneapolis et 106.7 à Saint-Paul ou KFAI.org, Radio Sans Frontières. Et ce soir, nous avons Monsieur le Consul du Canada et nous avons parlé de beaucoup de musique et de plein de choses. Et une des choses dont nous n'avons pas parlé, c'est de hockey. So one of the things we haven't talked to yet, talked about, is hockey. And hockey is pretty big in Minnesota. I think there's a movie about it. Many, yeah. Many. I know that Canada is the great country of hockey and it's sure. A big passion. Well, en anglais ou en français? Whichever. English. Franglish. Let's do Franglish. Franglish, yeah. You know, one of the beautiful things about my job is as a diplomat, you seek avenues of similarities, avenues where you find common ground. And one of the great things about being in Minnesota is that this truly is the state of hockey. And Minnesotans are so passionate about hockey, and it's something that we share. We as Canadians, we get it. I mean, I go out here, I get it. I go to the arenas, and I see the same kind of passion, the same enthusiasm, the same drive for the sport, and it's something that we can certainly share. Last year, we did a wonderful event with the Minnesota Wild where we brought a Royal Canadian Mountie in full red serge to the XL Arena for a hockey game between the Ottawa Senators and the Minnesota Wild, and the Mountie sang the national anthem. Nice. Dans tous les deux langues, en anglais, en français. And it was, you know, the crowd went wild. And I think the crowd went wild because they understood that in hockey there are no boundaries. There's no border crossings on this. This is about a shared love of hockey and an enthusiasm. That's cool. And you know, this gets us purchased, because when we talk about trade or security or defense, we say, hey, you know, we drink the same water, we breathe the same air, we protect the same lakes and rivers. We listen to the same music, we love the same things, hunting, fishing, sports, and of course, a common love, and I would say almost a common shared religion of hockey. Yeah, I can relate to that. It's like when I talk to soccer about someone from Germany or England, sure. I see a click in their eyes that I don't see in me, in other people, that like, oh, soccer, okay, you play with the foot. All right. Yeah. And you know, I must say that, if a British person is talking to me about cricket, I don't have the click either. So, you know, I mean, I think it's great when we can leverage everything we have in common, our passions. And the only thing I think is when a Minnesotan businessman and a Canadian businessman, when they want to enter into a deal or discuss a deal, it's probably, I don't know if it's easier to actually play golf like everybody else does in the business world, or if they can actually discuss on an ice rink. Yeah, I think it makes it a little more difficult because you're kind of going in opposite directions on the ice. Yeah. So the helmet might muffle a little bit the negotiation. And if things get rough, it could get ugly. You know? Unless they settle on the Zamboni. Sure. Loser has to buy the drive to Zamboni. Sure, absolutely. That's how the greater treaties were signed. Exactly. With a beer on the Zamboni. A beer on a Zamboni, absolutely. Cool. Well, we're going to thank you for coming to see us. I mean, it was a pleasure. Well, we have many more Canadian artists that we were supposed to play, and things didn't really work that way. But we're going to play some more, even after you're gone, you know. We're not just sucking up. You're going to make fun of me when I leave. No, certainly not. We are being recorded. We're not going to stop, and we're going to listen to Lara Fabian. I have a small series of French artists on Canada, so La Canne du Canada avec Maurice Chevalier, Ma Cabane au Canada de Lynn Renault, I mean, you know, and Charles Trenet and some other artists like Le Vent du Nord or Céline Dion. But we'll spend the next hour listening to... Wonderful. I wish you well. Est-ce que j'aimerais vous remercier infiniment. J'ai beaucoup adoré l'opportunité de pratiquer le jazz avec les amis, les amitiés entre le Canada et le Minnesota, mais aussi avec la communauté française. C'est quelque chose que nourrisse le Canada, et je suis super fier d'avoir cette possibilité du jazz avec vous autres et la communauté française. Nous connaissons assez de gens qui sont ici de la France et d'ailleurs, et pour nous d'avoir cette occasion de non seulement pratiquer, mais utiliser et partager notre amour de la langue française, c'est extraordinaire. Et en tant que émission de radio francophile, on essaie de, justement, francophile et pas juste français, et even though we spend a lot of time playing French music or music in French, we try to represent as much of the Francophile communities as we can. You're doing a wonderful job. Well, thank you. We're going to listen to Lara Fabian avec Leila, et another song after that that was pretty a big hit in the mid-90s called Si Tu M'aimes, if you love me. Thank you very much again, and I hope that we'll see you again. And if you're on here for like 3 years, we avec we plaisir. Can see you. Avec plaisir. Bonne soirée. Merci. l'autre bout de la terre quand tu pleures pendant des heures sur mon cœur. Je pourrais hurler, le jurer, même si je ne vois rien. D'où je suis, je sens ton chagrin. Tes mains et sans tes bras, je ne peux plus respirer. Et j'entends si souvent le chant du vent qui vient pour me ramener vers tes landes, sous ton ciel d'Irlande, quitter ma vie sans préavis. Je le ferai si tu m'aimes. Un parapluie sous l'aile, elle était la plus belle des fermes d'Ottawa. Mes filles nostalgiques d'un canard de musique, la danse magnifique des tropiques l'attira. Et la canne du Canada s'en alla caca-a faire le Rio de la Plata pour apprendre la samba. Elle dansait la polka, la java, la mazurka, mais voulait aller là-bas pour apprendre la samba. Comme c'était toute une affaire qu'un voyage aussi lointain, par orgueil notre commère le criait sur les tas de coins. Coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, avec tous les canards du coin. Puis la canne du Canada s'en alla caca-a vers le Rio de la Plata pour apprendre la samba. Passant par l'Amérique, elle vit dans sa boutique un Donald asthmatique plumé par Walt Disney. Un vieux canard sauvage lui dit reste bien sage, retourne en ton village, les voyages c'est mauvais. Mais la canne du Canada s'en alla caca-a vers le Rio de la Plata pour apprendre la samba. En voyage elle attrapa la pépille, la malaria, le mal de mer à Cuba, mais rien ne la rebuta. du côté de la Guyane. Elle fit une maladie de foie et resta 6 mois en panne, mais criait sur tous les toits: moi j'aime mieux ça, moi j'aime mieux ça que de finir mes jours en foie gras. Et la gamme du Canada s'en alla K1KA faire le Rio de la Plata pour apprendre la samba. Tous les canards du monde, sur la terre ou sur l'onde, en file ou bien en ronde, vont en se dandinant. La samba, c'est le contraire, car il faut d'abord faire un petit pas vers l'arrière et le refaire vers l'avant. Et la gagne du Canada, qui marchait K1KA, eut un mal de chien là-bas pour apprendre la samba. Quand un jour elle la dansa, elle revint à Ottawa. À sa mère, elle l'enseigna pour l'apprendre à son papa. Elle parlait avec adresse plusieurs langues et ça prouve bien que les voyages forment la jeunesse des canards et des humains. Coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, chantaient les petits canards du coin. Quand la gagne du Canada un beau jour se maria, toute la noce en falbala savait danser la samba. Coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, avec les canards du coin. ¿Usted sabía que KFAI puede tomar como donación su coche viejo, camión o motocicleta? ¡Es verdad! Quizá usted no lo sabe cómo es fácil. Entre en el sitio de internet de KFAI.org para descubrir más sobre cómo donar su vehículo para sostener KFAI. No importa si usted conduciste el vehículo la semana pasada o en la última década, podemos remolcar su vehículo y usted financia la radio que ama. Dona su vehículo en kfai.org. What do you love about KFAI? What's your favorite show on the station? We want to know. Call and tell us everything you like about KFAI Fresh Air Community Radio. And you may hear your voice on the air during our upcoming fall pledge drive. Take the next step. Call our listener response line at 612-293-9485. We can't wait to hear from you. That's 612-293-9485. Et voilà, on est revenu. Donc, on a entendu Lara Fabian avec Leila, Si tu m'aimes, si tu m'aimes, et Maurice Chevalier avec la canne du Canada. On va écouter un peu plus de musique. Et Fred a enlevé la cravate, ça y est. Ça y est, ça y est. J'avais la cravate toute la journée, so I had, so Adrian made a point that I was wearing a tie all day long and I just took it off. So we had someone from at work, we had someone from corporate who came and visit, and so I wanted to make a good impression. And then we did had he work. Yeah, I didn't see him. Oh. It's always like that, you know. I would have not wore a tie. He would have come and see me. Mm-hmm. And I wanted to make a good impression to Monsieur le Consul du Canada, which I'm probably going to go get a coffee one of these days. Yeah. With. So we're going to listen to the three next songs we're going to listen to, or maybe four, maybe. We'll see. Voyage au Canada de Charles Trenet. That's a pretty nice songs talking about traveling through Canada and some words, and there's a lot of word on play. Dans les rues de Québec, aussi de Charles Trenet, et Ma cabane au Canada de Lino Renault, qui est assez connu. Donc on va écouter ça, et puis après on parlera des annonces de l'Alliance française ou de ce qui se passe dans les Twin Cities. And yeah, we'll talk about the upcoming events. All right. Are you guys ready for more music? Allez, allez, allez, allez. Allons-y. Une famille des plus charmantes, trois enfants, maman, papa, partit en beau jour de Nantes pour visiter le Canada. Fixant leur itinéraire, après maintes réflexions, ils choisirent pas ordinaire ces moyens de locomotion. C'est ainsi qu'avant de partir, ils chantaient pour se divertir. Nous irons à Toronto en auto. Nous irons à Montréal à cheval. Nous traverserons Québec à pied sec. Nous irons à Ottawa en wah-wah. Nous irons à Valleyfield sur un fil. Nous irons à Trois-Rivières en litière. Passant par Chicoutimi endormi. Nous irons au lac Saint-Jean en nageant. Voilà, voilà, un beau voyage, un beau voyage. Voilà, voilà, un beau voyage au Canada. Oui, mais parfois c'est étrange, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Bien souvent le hasard change nos projets les plus heureux. Nos amis furent, c'est pas de chance, victimes d'une distraction du chef du bureau de l'agence, des moyens de locomotion. Et à cause d'un employé qui s'était trompé de billet, ils allèrent à Toronto en nageant. Ils allèrent à Montréal endormis. Ils se rendirent à Québec en litière. Ils allèrent à Ottawa sur un fil. Ils allèrent à Valleyfield à pied sec. Ils allèrent à Trois-Rivières en wawa. Passant par Chicoutimi un cheval, ils plongèrent dans le lac Saint-Jean en auto. Voilà, voilà, un beau voyage, un beau voyage. Voilà. It's Macy's Columbus Day sale with our lowest prices of the seasonal specials. Men's designer suit separates and outerwear 60% off. Suit separates for her 30% off. Il faut à n'importe quel prix contrôler dans les agences les billets de locomotion. Si vous partez en vacances, la plus simple des précautions, c'est de chanter mon petit air itinéraire. Une, deux, nous irons à Toronto en auto. En auto. Nous irons à Montréal à cheval. À cheval. Nous traverserons Québec à pied sec. À pied sec. Nous irons à Ottawa en wawa. En wawa. Nous irons à Valleyfield sur un fil. Sur un fil. Nous irons à Trois-Rivières en litière. En litière. Passant par Chicoutimi endormi. Endormi. Nous irons au lac Saint-Jean en nageant. En nageant. Voilà, voilà, un beau voyage. Depuis l'automne, que de villes parcourues, que de boulevards et de rues. New York, aux régularités, Chicago si joli, l'été. Mais au cœur du joyeux hiver, c'est les rues de Québec que je préfère. Dans les rues de Québec, par temps gris, par temps sec, je m'en vais nez au vent, cœur joyeux. En rêvant, bien des gens me sourient en pensant à Paris. Moi j'ouvre un large bec pour sourire à Québec. Au loin, le Saint-Laurent roule ses flots d'argent et les bateaux vont doucement sur l'onde à la ronde. Les fumées du matin sont fantômes de satin. Dans les rues de Québec, par temps gris, par temps sec. C'est gentil comme parole, hein? C'est la mère Bolduc qui m'a pris ça. Au loin, le Saint-Laurent roule ses flots d'argent et les bateaux vont doucement sur l'onde à la ronde. Soirs exquis de l'hiver, feu de bois et chaumière. Je vous aime par temps sec dans les rues de Québec. Saint-Laurent roule ses flots d'argent et les bateaux vont doucement sur l'onde à la ronde. Soirs exquis de l'hiver, feu de bois et chaumière. Je vous aime par temps sec dans les rues, dans les rues.

et t'assourds un petit peu, et t'assourds un petit peu. Et puis le taxi, il klaxonnait devant la porte. Puis lui y attenait la poignée de porte. Y'a de virait sous tous les bords. La poignée de porte. IP House is proud to provide internet streaming of KFAI Community Radio. The internet professionals at IP House provide answers to your hosting and access questions. More information from these friendly geeks is available at iphouse.com. You need us. And we need you. Take the first step in becoming a KFAI volunteer by registering at kfai.org/volunteer. Sign up for a new volunteer orientation hosted on the first Thursday of every month at 6:30 p.m. and find your on-air or off-air role today. Et voilà, on est revenu. Donc, on a entendu pas mal de chansons. We listened to a few songs. Le Voyage au Canada, or Travel to Canada, from Charles Trenet, and Dans les rues de Québec, in the streets of Québec. Ma cabane au Canada, de Lynn Renault. Après ça, on a entendu une chanson qui nous a été suggérée par Adrien. Je ne donne pas de nom, mais... C'est Normand Lamour qui s'appelle La Poignée de Porte. Et c'est canadien et c'est super drôle. Simplement, je n'ai pas saisi l'humour tout de suite. J'étais peut-être un peu trop occupé. So, mais Adrien a le poster dans sa chambre. Ah, OK. Normand Lamour is from Quebec. And La Poignée de la Porte means like the door handle. And it's kind of a satiristic song. And that was funny for a little bit. It's just... The sense of humor might depend on the length as well. A song that's super funny for 30 seconds is not necessarily that funny for 7 minutes. But I wanted to talk about what's coming up in the Twin Cities. And some of the events are with the Alliance Française, some are not. But coming up on Thursday, and I'm still not sure whether I'm going to go or not, but there's a cognac workshop and testing. So it's Thursday at 6 p.m., between 6 and 8 p.m. I do believe there's probably a fee, but the descriptions say, join us and A. Hardy, USA, as we discover the spirit of cognac through a fully curated experience. We will discover its roots and how it has kept its credibility through a long history. A tasting will be conducted, also featuring traditional grades, as well as some unique offerings. Admissions, there's a price for the Alliance Française members and not. You should RSVP either at 612-332-0436 or online at afmsp.org. So that's coming on the 5th. Then on the 7th, which is Saturday morning, there's the traditional petit-déj, but this month, so Saturday morning at between 9:30 and 11:30, is going to be petit-déj and Afutaï Haïti dance. So, venez nombreux, savourez un café, manger du pain et avoir des conversations en français dans la grande salle. There will be a performance by Afutaï Dance Music and Arts Company, giving a test of their 8th annual Afutaï Haïtien Festival 2017. They have their website listed, so it's free entrance, donations accepted for the Saturday morning, and 9:30 to 11:30 at the Alliance Française. Same thing, if you want more precisions, you can go to afmsp.org. Then, after that, actually the next day, on Sunday, there's going to be the Haitians Festival. It's called Community Gathering Kickoff to Haitians Festival. It's Sunday between 11:30 a.m. and 5:30, and it's in Kenwood Community Center. So it's 2101 Franklin Avenue West in Minneapolis. And come and join us for our community kickoff for the 8th Annual Asian Arts and Culture Festival. There's a schedule with like soccer and IT versus the rest of the world. It's for kids, adults, free and open to all abilities. You get a register and there's more. So there's a small entrance fee after that for the gathering and the food and the performance. And so it's Sunday. That sounds like a very good family outing. I don't know what the weather's going to be on Sunday. I guess we'll see. I mean, it's nicer to play soccer in the sun than when it's pouring rain. True. We'll see. I'm not sure I'm going to play anyways, even if I go. Our friends, our Meritage, are organizing the Oyster Fest 2017. So it's Sunday between 12 and 6 p.m. There's a fee to enter and some different prices, but it's a good way to kind of discover oysters or really get a kick out of it. And there's going to be also music, live music, and I know one of the band, and they are very, very good. So, Sandil, you can go on the Alliance Française website or Meritage website, and all of these events we have on our Bonjour Minnesota page. And so if you go to Facebook, Bonjour Minnesota, and you go to events, you'll see all the links. And the last event I'm going to talk about, because after that we're going further in the month, is Les Navigateurs de la Littérature. And that's going to be about a book called Je l'aimais. Je l'aimais, it's to practice reading and and that's going to be, it's a book from Anna Gavalda. And the book can be purchased on Amazon and Aberdeen. It's, it's free and it's a nice event. It's from 6 p.m. to 8 p.m. at the Alliance. So feel free to go on our Facebook page. Please like the Facebook page so when we put some events in the Twin City, you can be aware of it. If we push some things, whether it's events, whether it's cultural things, whether it's music, you'll get it. We'll try not to be too strong about it so you don't get Bonjour Minnesota post every 5 minutes. We also have a life. like us. The other thing I wanted to talk about before moving on to more music is we have an email, bonjourminnesota@gmail.com. If you want us to talk about some things in particular, play some specific songs or some specific artists, feel free to let us know. And contact us, bonjourminnesota@gmail.org. You can also call the studio, but it's not as obvious. So we're going to play some announcements. Adrien, did you have an event you wanted to talk about? Yes, it's a little larger than just the Twin Cities. It's actually à la carte. It's a French food festival that will take place in Chicago and Upper Midwest. So if you happen to be in Chicago at that time, that would be a good opportunity to taste some French food for a little fee. There will be also some tastings and opportunities to discover pastries or duck, etc. So I think that would be something interesting. That will take place in different restaurants and neighborhoods all over Chicago. And I think last year it was also taking place in Milwaukee. I would recommend you to just go on the page. It's called A la carte 2017. And it's on the French consulate page. All right. Well, thank you very much. We're going to play some messages, and then after that will come something that Adrien was waiting for. It's going to be Cœur de Pirate. And j'adore Cœur de Pirate. I can't blame elle it. Elle était là, elle est venue see her. I missed her. C'est dommage. Yeah. Elle était excellente. I missed her for someone who's no longer in my life. So I should have gone for Cœur de Pirate. I regret it, but sometimes you have to make choices. Decisions. Let's play some music and some announcements, and we'll come back to say goodbye, I think, now, because there's only 15 minutes. On y va. Support for KFAI comes from Rudolph's Barbecue, serving barbecue with class to the Twin Cities for over 40 years. Uptown may have changed, but Rudolph's Barbecue remains as a beacon on the corner of Lindale and Franklin in Minneapolis. A full menu or more information is available at rudolphsribs.com. Je jure qu'on peut arrêter.

Mania, Starmania. Moi je suis pas faite comme ça. Mais je connais un garçon qui n'a qu'une ambition, c'est de passer dans cette émission. Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. La première fois que je l'ai vu, je me suis jetée sur lui dans la rue. Je lui ai seulement dit que j'avais envie de lui. Il était 4h du matin, j'étais seule et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Il m'a dit, viens prendre un café. Et on s'est raconté nos vies. On a ri, on a pleuré. Mais Ziggy, il s'appelle Ziggy. C'est mon seul ami. Dans sa tête, y a que de la musique. Il vend des disques dans une boutique. On dirait qu'il vit une autre galaxie. Tous les soirs, il m'emmène danser dans des endroits très très gais où il a des tas d'amis. Oui, je sais, il aime les garçons. Je devrais me faire une raison, essayer de l'oublier. Ziggy, il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Sans autre but, plus de passé, de main fourbue, dans le néant du froid de la rue. Quand les mots n'existent plus, quand l'espérance oubliée dissolue, quand les alcools même ne saoulent plus, restent les phrases écorchées. Ces phrases qu'on jette avant de renoncer. Mes derniers seront les premiers dans notre réalité. Nous serons princes d'éternité. Billet sur le trottoir, dans un journal d'autres histoires, un rayon de...